Placé où je suis, je pourrais aller en face. Réponse A. Tourner à droite. Réponse B. Tourner à gauche. Réponse C.